Vous écoutez Futur Simple sur l'antenne de CKRL au 89.1 et nous retrouvons le professeur Cyril Barrette, professeur émérite à l'Université Laval, spécialiste du comportement animal et de l'évolution que nous avons l'habitude de recevoir à Futur Simple et que nous retrouvons aujourd'hui pour une chronique sur le comportement inné et ou acquis. Bonjour Cyril. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Donc Cyril, on en parle dans le langage courant de comportement inné, acquis. Est-ce qu'en fait, c'est vraiment noir et blanc? Est-ce que ça veut dire que quand on parle de comportement inné, est-ce qu'on parle d'un comportement strictement déterminé par nos gènes? Puis je me souviens que la dernière fois, on avait parlé du gène égoïste, comme si on était des véhicules finalement pour permettre à nos gènes de se répliquer. Donc est-ce que là, dans les comportements acquis, c'est complètement inné, c'est complètement déterminé par nos gènes. Et est-ce qu'à l'opposé, les comportements acquis sont des comportements qu'on acquiert au fur et à mesure de notre expérience au cours de notre existence? Mais en fait, comme souvent en biologie évolutive, c'est compliqué. Tout le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ça tourne autour de la question du déterminisme génétique. Mm-hmm. C'est-à-dire le lien entre les gènes et les caractères, que ce soit l'anatomie, la physiologie ou le comportement. Dans le cas de l'anatomie ou de la physiologie, on n'a pas de problème. On admet facilement que si on a 2 mains, 10 doigts, on a des yeux bleus, c'est déterminé par des gènes ou parfois même par un gène. Mm-hmm. La même chose dans le cas de la physiologie, on produit de l'insuline ou on produit de la chaleur corporelle, on dit, ben voilà, c'est des gènes qui contrôlent ces choses-là à notre insu. Mais le cas du comportement est un peu plus compliqué, entre autres parce que le cerveau est impliqué. L'esprit de l'animal ou de la personne est impliqué. C'est-à-dire que la physiologie et l'anatomie contrôlées par les gènes, presque à 100%, c'est ce que j'appelle l'intelligence des gènes. Mm-hmm. C'est les gènes qui existent aujourd'hui sont ceux qui ont eu du succès dans le passé, donc il y a une forme d'intelligence, entre guillemets, alors que l'intelligence du cerveau, c'est beaucoup plus malléable, c'est beaucoup plus complexe. Donc, ce qu'on appelle un comportement inné ou un comportement instinctif, comme on disait dans le passé, bien, c'est un comportement où les gènes ont une grande influence. Mm-hmm. Et essentiellement chez un animal ou l'humain, c'est un comportement qu'on peut réaliser sans l'avoir appris, ouais. Sans l'influence de l'apprentissage. D'accord. Donc, ça se fait automatique, un peu comme on respire. Mm-hmm. Il n'y a pas de nécessité, puis il n'y a pas d'opportunité d'apprendre non plus. Ouais, ouais. Et à l'opposé, un comportement acquis? Un comportement acquis. Est-ce que ça se dit d'ailleurs un comportement acquis? Oui, on peut le dire. Oui, oui, c'est tout à fait correct. Mais un comportement. D'abord, pour répondre en partie à une des questions juste avant, c'est que c'est jamais noir et blanc. Dans le cas du comportement, chez l'humain en tout cas et chez les animaux, disons supérieurs entre guillemets, c'est jamais une question totalement génétique ou totalement de l'environnement. Il y a quelques exemples qu'on connaît chez des insectes où il y a une détermination génétique comme la couleur des yeux, mais chez les mammifères en tout cas ou l'humain, il n'y en a pas. C'est toujours une contribution des gènes, de l'environnement dans lequel les gènes s'expriment et l'interaction entre les gènes et l'environnement. Donc, pour les comportements, c'est pareil? C'est pareil, les comportements. Donc, ça, c'est pour répondre à la question, est-ce que c'est noir et blanc, donc il y a des comportements et intermédiaires, mais donc le comportement acquis, lui, donc le comportement acquis, c'est que on peut facilement imaginer, puis parfois on peut démontrer qu'il y a un lien génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui... ne détermine pas nécessairement d'une façon rigide et obligatoire, mais qui prédispose à faire certains comportements. Mais l'environnement joue un très grand rôle. L'environnement physique, l'environnement social qui interfère avec les gènes, qui joue sur l'expression des gènes. Mm-hmm. Et là, donc, dans le cadre d'un comportement, est-ce que ça veut dire qu'on va apprendre pendant... Donc, cette expression des gènes va faire qu'on va apprendre des comportements basés sur un comportement... inné, là, sur un comportement, une composante, il y a un déterminisme génétique, mais il va y avoir une certaine flexibilité, puis on va... Oui. Dans le cas des comportements, presque tous les comportements qu'on peut observer chez presque toutes les espèces animales, il y a une grande composante d'apprentissage, une grande composante d'expérience, de mémoire qui joue et qui influence la façon que les gènes vont pouvoir s'exprimer. Donc, dans ce cas-là, les gènes... On est mal vu de dire que les gènes déterminent. Le mot est trop fort. C'est beaucoup mieux de dire que les gènes prédisposent ou permettent suite. D'accord. Mais si le caractère s'exprime seulement si l'environnement est favorable ou adéquat au bon moment. Ouais, donc maintenant, on va mettre un petit peu de concret là-dessus avec quelques exemples. Oui. Donc, par exemple, des exemples de comportements qui sont complètement innés, instinctifs, dont on ne déroge pas. OK. Alors, on va être obligé de chercher chez des espèces autres que les mammifères. Un des exemples classiques, c'est ce qu'on appelle les abeilles hygiéniques. Mm-hmm. Il y a des espèces, chez l'abeille domestique, il y a un comportement qui consiste, chez des ouvrières, à détecter la présence d'une larve qui serait morte dans un alvéole, d'être capable de découper le couvercle de l'alvéole, de l'enlever et de jeter la larve à l'extérieur de la ruche. Là, il y a deux comportements, ouvrir l'alvéole et la jeter à l'extérieur. Et on a démontré dans des études du même genre que celle que Mendel faisait sur la couleur des petits pois et sur la texture de la surface, qu'il y a un gène qui contrôle pour la capacité à décapsuler, puis un gène qui contrôle pour la capacité à jeter à l'extérieur. C'est impressionnant. Donc, si on fait des expériences de croisement, on arrive au même résultat que pour la couleur des yeux ou la couleur des petits pois de Mendel. Ah ouais. Et ça, mais là, on cite toujours le même exemple, ou presque, parce que c'est un exemple qui est extrême, qui est relativement rare. Mm-hmm. Un autre exemple qui est peut-être plus proche de nous, c'est la migration des papillons monarques, par exemple. Mm-hmm. Alors, en gros, la façon que la migration se fait, c'est qu'on a des papillons qui sont au Mexique, qui migrent vers le nord. Mais le papillon qui part du Mexique fait seulement une toute petite partie du circuit. Il s'arrête, il se reproduit. Et là, la progéniture de ce papillon repart dans la bonne direction et à la bonne distance. Donc là, il n'y a aucune opportunité, aucune possibilité d'apprentissage. Il n'y a personne qui leur montre le chemin. Il n'y a personne qui leur montre le chemin. Ce n'est pas comme la migration des oies blanches où il y a des adultes qui peuvent qui guident. Ben, il n'y a que des jeunes, seulement des jeunes. Donc, on est obligé d'arriver à la conclusion qu'il faut qu'il y ait seulement une programmation génétique qui permet de savoir qu'il faut migrer, dans quelle direction et à quelle distance. Mm-hmm. Donc là, c'est déterminé à 100% génétiquement. Mm-hmm. Mais je dis à 100%. C'est-à-dire que dans tous les cas, dans le cas d'un comportement comme celui-là, on n'imagine pas qu'il y ait un seul gène pour la migration. C'est un grand nombre de gènes en interaction avec l'environnement. Donc, les gènes s'expriment toujours dans l'environnement. Mm. Donc, c'est pas déterminé. C'est déterminé, mais d'une façon qui est assez, assez rigide malgré tout. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce qu'il en est, par exemple? Parce que, bon, il y a l'immigration, mais des fois, à l'automne, il y a d'autres phénomènes qui se passent pour passer l'hiver. Il y en a qui restent ici, donc eux aussi ont des comportements particuliers pour passer l'hiver. Oui, puis là, il y a un exemple que j'aime citer qui permet de voir le lien là, ou la transition entre les deux. Une marmotte qui fait des réserves de graisse pendant l'été et à l'automne pour passer l'hiver, on peut présumer que c'est déterminé génétiquement dans une très, très large mesure. La marmotte n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Elle se gave de nourriture en été et en hiver pour devenir obèse à l'automne pour pouvoir passer l'hiver. Mais un écureuil qui fait des réserves de noix, là, on voit l'intervention du cerveau. C'est pas seulement de la physiologie, là, mais donc... Il faut qu'il trouve une cachette. Là, il y a des comportements. Des bonnes cachettes. Des bonnes cachettes. Il faut qu'il soit capable de retrouver les noix. Ouais, il ne les retrouve pas toujours, d'ailleurs. Il ne les retrouve pas toujours, donc il doit en cacher un très grand nombre pour pouvoir en avoir suffisamment. Donc, c'est comme si, dans le cas d'un comportement plus complexe comme celui-là, c'est comme si l'intelligence des gènes déléguait une partie de la responsabilité du comportement au cerveau de l'animal. Mm-hmm. Puis ça, on peut assez bien le démontrer, c'est que l'animal est de plus en plus performant à mesure qu'il vieillit. S'il l'a appris en voyant d'autres écureuils le faire, il va être plus performant. Comme un chaton qui commence à chasser pour la première fois, s'il n'a jamais vu de proie, il a été élevé dans un salon à manger de la moulée, il n'a jamais vu une souris. La première fois qu'on le met en présence d'une souris, ben, il est capable de comprendre, entre guillemets, qu'il s'agit d'une proie. Il est capable de la poursuivre, il est capable de l'attraper avec ses griffes et de la mordre avec ses dents. Mais alors, tous ces comportements, ces unités de comportement sont nécessitent pas d'apprentissage, donc on dirait qu'ils sont innés ou qu'ils sont instinctifs, mais la performance va s'améliorer. Si le chaton a vu sa mère chasser ou a vu d'autres chats chasser avant, et lui-même, son expérience lui permet de s'améliorer, donc là, il y a une influence de l'expérience, de la mémoire, de l'apprentissage, du comportement, de l'environnement. Oui, il y a un apprentissage des congénères de la famille ou des congénères pour voir comment qu'on fait, puis après, il y a l'apprentissage au fil des ans, il s'améliore d'année en année. Il s'améliore, mais à la base de ça... Mais à la base de ça. C'est comme s'il venait au monde avec des outils qui lui permettent de chasser, Et ces outils vont s'exprimer plus ou moins bien en fonction de l'environnement. Mm-hmm. Donc là, il y a vraiment une contribution des deux, une interaction entre les deux qui est très difficile à démêler. On ne pourrait pas facilement faire des études qui nous permettraient de dire que c'est 40 % génétique, 60 % environnement. Donc là, on voit la prédisposition. Il est prédisposé à chasser, à reconnaître la proie et à la chasser. Mais après, il y a la contribution environnementale qui est celle de l'apprentissage par les parents ou peut-être du type de proie qui est là. Ou l'essai et erreur. D'accord. Donc ça, c'est donc un comportement, on va dire, gris, là, il y avait dans la zone grise. Est-ce qu'il existe, à l'opposé, des comportements qui seraient complètement, je ne sais pas comment on pourrait dire, là, autodéterminés, là, qu'on choisit complètement, l'animal choisit complètement son comportement, adapte complètement son comportement à la situation, innove, je ne sais pas. Sans intervention génétique et qui sort de nulle part, autrement dit, que l'animal invente, comme tu dis. J'ai cherché des exemples dans le monde animal et honnêtement, j'en ai pas trouvé. Mm-hmm. Et on en trouve chez l'humain. Alors, par exemple, un peu caricatural, faire du vélo ou faire apprendre le piano ou lire et écrire. Mm-hmm. C'est mon meilleur exemple. Lire et écrire, c'est sûr que c'est pas programmé génétiquement puisque notre espèce existe depuis au moins 100 000 ans. Probablement plus. Et l'écriture a été inventée il y a 5000 ans. Donc, le premier 95% de l'histoire évolutive de notre espèce était sans écriture. Et donc, l'écriture, c'est pas... Peut-être de très loin, la capacité de lire et écrire repose sur des prédispositions génétiques, mais c'est peu probable. C'est une invention de toute pièce qui n'a pas de lien génétique. Mais dans le monde animal... J'y arrive pas à trouver d'exemple. Et je me demandais pourquoi on voit pas d'exemples, même des exemples pas trop convaincants, j'en vois pas du tout. Mm-hmm. Puis je pense que c'est parce que dans le passé, la sélection naturelle a favorisé seulement les gènes qui encodaient pour des caractères ou qui déterminaient plus ou moins loin des caractères qui sont très importants pour le succès reproducteur d'individus, pour le passage des gènes. Donc des gènes qui déterminent un comportement qui... Ce comportement étant très important pour le passage des gènes dans la génération suivante. Donc, on ne trouve pas de comportement qui, chez les autres espèces qui ne serait pas lié à des gènes. On trouve seulement des comportements qui ont une base génétique, donc des comportements totalement acquis, sans contribution génétique. Mais chez l'homme, ça ne semble pas avoir empêché les reproductions, la reproduction d'espèces, etc. C'est que l'homme, comme on a déjà dit dans un autre contexte, est en grande partie, en tout cas dans nos conditions, émancipé de la sélection. Mm-hmm. On est capable de faire des choses pour lesquelles la sélection ne nous a pas préparé du tout. Jouer du piano, lire et écrire. Puis on se rend compte que lire et écrire, s'il y avait un instinct ou si c'était inné, ce serait facile pour tout le monde, mais on voit très bien que Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre, c'est difficile. Ouais. Puis on entend des chiffres du genre que 49 % des Québécois sont analphabètes fonctionnels. Eh bien, ça nous indique que ce n'est pas naturel. C'est pas naturel, ça serait un peu l'équivalent de dire pas inné ou pas instinctif ou pas biologique. Contrairement à la parole, au fait de parler, parce que là, on apprend instinctivement en écoutant nos parents ou les gens autour de nous. Voilà. Alors que même si on, je sais pas, si on regarde instinctivement nos parents écrire, on pourrait apprendre à écrire, mais ça va prendre du temps, là. Ça va prendre du temps. Mais je pense qu'on n'y arriverait pas. On comprendrait pas le sens des symboles. Et le langage est un bon exemple aussi de cette zone grise parce que c'est évident que l'humain possède à la naissance un instinct du langage, entre guillemets. Mm-hmm. Instinct, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des capacités anatomiques, on a des capacités sensitives, on a des capacités cérébrales qui sont des outils qui nous permettent d'apprendre une langue. Mais la langue qu'on apprend, ça dépend totalement de l'environnement de gènes, social. Pas du tout. Ouais. Et pas seulement la langue qu'on apprend, mais ça dépend pas seulement de l'environnement social, mais pour apprendre à parler correctement, il faut entendre quelqu'un d'autre parler, et peu importe la langue, et il faut s'entendre soi-même parler. Donc, c'est comme si soi-même devenait un élément de l'environnement. Il faut que je produise un son qui va toucher mon oreille, qui va me permettre de prononcer correctement les mots, puis les lettres et les sons. Mais ce qui est quand même curieux avec l'apprentissage d'une langue, bon, c'est quelque chose qui se fait, on va dire, instinctivement, qui se fait de façon innée, mais c'est juste quand on est jeune. Donc, c'est comme si on perdait cette capacité. Oui, il y a une fenêtre étroite, là. Mais ça me rappelle un peu, c'est pas exactement la même chose, là, puis je pense que personne n'oserait dire ça, mais ça rappelle un peu l'empreinte chez les oiseaux. On connaît tous les études classiques de Conrad Lorenz dans les années 40 qui démontrent que si un canard, un jeune canard ou une oie, au moment de l'éclosion, va associer la première, le premier objet ou la première, le premier animal ou la première personne qui bouge va l'associer à sa mère puis va le suivre pendant le reste de sa vie. Donc, il y a une période critique, une fenêtre très étroite où il y a une sorte d'empreinte. Mmh. Puis si cet objet-là, c'est un train électrique ou c'est une personne humaine, mmh. bien, l'oie va suivre cet objet-là ouais. toute sa vie parce que normalement, c'est sa mère ou c'est ses parents qui sont là. Donc, et ça, c'est avantageux pour mmh. sa survie de suivre. Donc, le langage, c'est peut-être un peu la même chose. Il y a une période critique où c'est facile d'apprendre, j'allais dire une langue, mais dans nos contextes actuels, on voit qu'un jeune enfant peut même apprendre facilement deux langues ou trois mmh. langues. Ouais. Puis une fois cette période critique ou prédisposante passée, là, ça demande énormément d'efforts pour ajouter une autre langue ou pour apprendre c'est une ça, langue. C'est ça, c'est ça. Puis même c'est quand même assez curieux parce qu'un jeune enfant peut apprendre deux langues en même temps, alors que dans la nature, historiquement, ça ne devait pas vraiment se produire parce que dans la tribu, on parlait une seule langue. On n'avait pas beaucoup de contact avec les autres tribus. Ouais. Puis c'était pas nos amis, c'était pas nos meilleurs amis non plus. Donc, ce qui est naturel, entre guillemets, pour l'humain, c'est d'apprendre une langue. De l'apprendre en bas âge. Et je ne sais pas pourquoi cette capacité-là s'éteint relativement tôt. J'essaie d'imaginer un avantage de l'éteindre et je ne peux pas en voir. Donc, il y a peut-être quelque chose d'inévitable. Là, les gènes qui constituent le coffre d'outils pour apprendre une langue, ces gènes-là sont désactivés par d'autres gènes de contrôle en bas âge, Peut-être que c'est lié au fait que quand on est tout jeune, on copie aussi, on imite, on apprend par imitation. Donc, on apprend par imitation les gestes, mais aussi la parole. Ouais. On entend, puis on essaie de faire le même bruit. Ouais. Puis on perd cette capacité d'imitation, mais ou alors on veut devenir indépendant de... Pourquoi la perte? Oui, c'est ça. Quelle est quel est l'avantage évolutif de perdre cette capacité? Oui. C'est pas juste le langage. Ce serait fascinant si on était capable d'imiter facilement quelqu'un qui joue du violon, par exemple. Ah, oui. On apprendrait le violon comme rien et on le regarderait faire. Puis ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Donc, finalement, il y a les gènes qui sont, les comportements qui sont innés, où il y a vraiment un fort déterminisme génétique, où on est assez dur d'en déroger. Puis après, il y a toutes les intermédiaires jusqu'à des comportements qui sont presque inventés chez l'humain, là. Mais donc, pour ces comportements acquis qu'on acquiert, où il y a une forte contribution du milieu, donc c'est une contribution du milieu soit culturelle avec les congénères, ou alors une contribution culturelle avec les changements environnementaux, éventuellement, si on met l'animal dans un autre milieu environnementaux, peut-être que les proies ne sont pas les mêmes, l'offre alimentaire n'est pas la même, ou peut-être que, je ne sais pas, il peut y avoir différents changements dans le milieu. Donc ça aussi, ça va lui permettre de s'adapter à ce nouveau milieu. Oui, parfois oui, parfois non. Il y a des espèces qui ont comme ça un répertoire très ouvert, très malléable. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle, dans le fond, les comportements déterminés strictement génétiquement sont contrôlés par un programme génétique fermé, c'est-à-dire fermé aux influences, ou pratiquement fermé aux influences de l'environnement. Alors que dans l'autre cas, les comportements sont déterminés par des programmes ouverts, des programmes génétiques ouverts. Dans ce cas-là, ça peut donner une grande flexibilité à l'individu qui se retrouve, comme tu le décris, dans une situation, dans un nouvel habitat ou en présence d'un nouveau prédateur ou d'une nouvelle source de nourriture. Et là, pas du tout par l'intelligence de ses gènes, mais par l'intelligence de son cerveau, va être capable d'apprendre très rapidement et de profiter de cette nouvelle circonstance. Donc, cette flexibilité phénotypique est très importante au point de vue évolutif, mais n'est pas, on la retrouve pas chez toutes les espèces. Mm-hmm. Chez les insectes, comme les abeilles dont on parlait tantôt, ou les fourmis, au contraire, les déterminations génétiques sont très rigides. Mm-hmm. Mm-hmm. Dans ce cas-là, une image que j'utilise, c'est comme si les gènes criaient des ordres qu'on ne peut pas ignorer. Mm-hmm. Alors que dans le cas d'une espèce qui est très flexible ou très malléable ou très adaptable comme nous et d'autres mammifères, bien, les gènes se contentent de murmurer des suggestions. Ah, oui. Et là, on les applique selon les circonstances sociales ou physiques de l'environnement. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'animaux qui ont comme ça réussi à adapter un comportement aux circonstances qui étaient autour? Les meilleurs exemples qu'on connaît, c'est dans l'étendue du régime alimentaire. Une espèce qui est habituée de se nourrir d'une telle mm-hmm. sorte de nourriture, si on la met en présence de nouvelles sortes de nourriture, il y a des espèces qui la voient pas, cette nouvelle nourriture, qui l'ignorent, qui font comme si c'était pas comestible, alors que d'autres ont des tendances très fortes à essayer, à faire des innovations nutritionnelles ou d'aliments. Donc, ces espèces-là risquent de profiter beaucoup de cette capacité-là. Alors, si on regarde les espèces qui sont les les plus aptes à faire ce genre de comportement ou d'innovation alimentaire, c'est par exemple les corbeaux, les corneilles, les geais, tout ce groupe de d'oiseaux. C'est-à-dire que s'ils trouvent nos poubelles, ils vont pouvoir adapter, ils vont récupérer leur comportement qui ferait normalement dans la nature à nos sacs poubelles. C'est ça, ils vont découvrir très facilement, très rapidement que des frites, c'est bon frites, à manger. C'est bon. Un ours, c'est du même genre. L'ours est très omnivore et il va tout essayer ce qu'il trouve dans son environnement. Alors qu'il y a des espèces qui ont un régime alimentaire très strict, très rigide, qui s'obstinent à manger seulement une source de nourriture. Là, évidemment, ils sont désavantagés, ça les empêche de profiter des nouvelles circonstances qui pourraient être bénéfiques. Donc ça, c'est le cas du panda, par exemple. Le panda, on dit qu'il est très inféodé au bambou. Voilà, et on comprend mal pourquoi le panda s'obstine à ne manger que du bambou, parce que c'est un ours, il a le système digestif d'un ours, il pourrait se nourrir très facilement du même genre de nourriture que l'ours noir d'ici, mais il est comme obstiné à se nourrir du bambou. Donc ça, c'est une adaptation qui est rigide. Je suis pas en train de dire que c'est déterminé uniquement génétiquement, mais il doit avoir une composante génétique très forte parce que le panda a une attirance très, très forte pour le bambou. C'est très avantageux. Il est hyper spécialisé tant que le bambou est abondant. Donc, mais si le bambou disparaît ou devient de moins en moins abondant, ben là, son adaptation rigide devient un handicap qui peut être mortel pour l'animal. Oui, alors qu'un animal qui pourra utiliser son comportement, mais à d'autres sorte de nourriture, ben, il va pouvoir s'en sortir. S'en sortir. Puis c'est très avantageux, cette flexibilité phénotypique ou individuelle, comme on dit. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a des exemples assez curieux, il me semble, avec les mésanges en Grande-Bretagne. Oui, ben, il y a une observation qui a été faite qui a déclenché la réflexion sur ce genre de sujet. Les mésanges en Angleterre qui avaient, à l'époque, les laitiers déposaient les pintes de lait sur le perron des portes. Et la pinte de lait était fermée par un couvercle en carton. Et à l'époque, le lait n'était pas homogénéisé. Donc, la crème s'accumulait en surface au haut de la pinte. Alors, il y a quelques individus de ces mésanges qui ont essayé, qui ont découvert qu'on pouvait enlever le carton. Enlever le carton du dessus, ça correspondait à un comportement qu'ils font dans la nature. Ils retroussent des feuilles, des brindilles pour trouver de la nourriture en dessous. Et là, ils découvrent une source de nourriture qui est très riche, qui est très facile à obtenir, qui est prévisible, qui est là tous les matins. Donc juste à attendre le laitier. C'est ça. Donc là, on voit un effet qui est, en termes évolutifs, qui est très, très important potentiellement. Parce que si les laitiers n'étaient pas intervenus pour mettre un couvercle en métal, par exemple, bien là, on peut imaginer que les mésanges qui étaient davantage aptes à ouvrir et à consommer et à digérer la crème, bien, si par hasard, elles ont des mutations, puis il y a une variabilité dans la population sur ses capacités à décapsuler, puis à boire, puis à digérer le lait, bien, on voit tout de suite que la sélection va favoriser les individus qui portent ces mutations. Donc là, l'espèce peut finir par changer son mode alimentaire. C'est ce que je me demandais. Si c'était une situation naturelle où on avait laissé cette situation persister, on peut imaginer que les pinsons, les mésanges seraient devenus de plus en plus habiles à enlever le couvercle, de plus en plus habiles à digérer la crème. Puis là, on est parti vers une nouvelle espèce, presque une nouvelle évolution. Mais là, c'est quand même curieux parce que est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a comme peut-être une double contribution et de l'environnement, parce que il y a eu ces bouteilles de lait qui étaient disponibles, mais aussi culturellement, parce que les mésanges ont peut-être appris d'elles-mêmes. C'est pas toutes les mésanges qui ont appris en même temps. Non. C'est ça? Il y a effectivement une transmission culturelle, parce que c'est certains individus qui l'ont appris. Les autres autour ont imité, par imitation. Ils ont fait le même comportement, mais quelques dizaines de kilomètres plus loin, les mésanges n'étaient pas au courant que ça existait, ou ils ne l'avaient pas essayé, ou personne ne l'avait essayé. Donc, il y a eu une innovation comportementale, une sorte d'invention culturelle qui se transmet de façon culturelle, et puis toute la population risque d'en profiter. Et est-ce qu'on peut imaginer, alors, à ce moment-là, si, grâce à cette flexibilité du comportement, que des populations, des espèces se scindent? Donc, il y a une espèce, quelque part, qui est en présence d'une certaine forme source alimentaire, puis 3 kilomètres plus loin, la même espèce est en présence d'une autre source alimentaire, et puis développe un autre comportement, et puis petit à petit, ça amène des changements morphologiques chez les deux populations, puis on a une spéciation, l'émergence d'une nouvelle espèce. Oui, absolument. Est-ce que ça pourrait arriver? Absolument. On ne connaît pas de cas concret, mais c'est très facile à imaginer, parce qu'encore une fois, si l'aptitude à faire ce nouveau comportement alimentaire est en partie déterminée par des prédispositions génétiques, par exemple, dans le cas des mésanges, la capacité à trouver les bouteilles de lait, la force des muscles du cou pour enlever le capuchon, etc., etc. Ah oui. Et si ces capacités présente une certaine variabilité dans la population, bien là, ce que je suis en train de dire, c'est que la sélection tout de suite va favoriser ça. Mm-hmm. Puis éventuellement, on va se retrouver avec une espèce qui est devenue hyper spécialisée à se nourrir de la crème par rapport aux autres. Donc là, ils vivent dans un milieu complètement différent et puis on peut imaginer qu'éventuellement, ils ne se reproduisent plus avec leurs congénères d'antan. Mm-hmm. Ouais. Ouais, évidemment, je suis en train complètement de spéculer là-dessus. Là. Mais, est-ce que c'est pas ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle les pingouins de Darwin aux Galapagos qui étaient en présence de grains de différentes tailles, je ne sais plus, puis qu'il y en a qui ont développé un bec plus fort ou... C'est pas comme ça que ça s'est passé? Ah, les pinsons des îles Galapagos? Oui, pas les pingouins, oui, les pinsons. Oui, on ne peut pas confirmer que c'est ce mm-hmm. genre de mécanisme qui s'est passé, mais c'est facile de l'imaginer. Mm-hmm. C'est facile d'imaginer qu'il suffit de changer de mode de nourriture. Si cette nourriture est suffisamment abondante, bien, ça devient avantageux. Puis là, il peut y avoir une divergence. Et cette divergence dans la forme du bec est associée à toutes sortes d'autres caractères qui diffèrent et qui font qu'éventuellement, ces individus ne se reconnaissent plus mm-hmm. comme des partenaires sexuels, ne se reproduisent plus ensemble. Ah, donc ouais. Là, on a une nouvelle espèce. Ah ouais. Et alors là, puisqu'il nous reste très, très peu de temps, puis c'est dommage parce que j'ai vraiment une question très large à poser. Est-ce que, vu que l'homme a beaucoup de comportements comme ça qui sont adaptables, finalement, est-ce que ce genre de choses pourrait arriver? Est-ce qu'il pourrait y avoir de scissions en plusieurs espèces? Chez l'humain, c'est peu probable de nos jours parce que le métissage est tellement répandu. Ah oui. Pour qu'il y ait une nouvelle espèce, il faut qu'il y ait une barrière à l'hybridation, ouais. Il faut qu'il y ait une barrière à la reproduction. On diverge à partir du moment où on n'échange plus de gènes, mais chez l'humain, il n'y a mm-hmm. plus ce genre de barrière-là. Donc, c'est peu probable, mm-hmm. même sur une longue période, à moins de le faire volontairement, d'isoler certaines populations du reste de l'humanité, on n'arrivera pas à ça. On va arriver à une espèce qui est de plus en plus diversifiée, de plus en plus versatile, mm-hmm. de plus en plus créatrice à mesure qu'on invente des choses qui se répandent dans toute la population. Mm-hmm. Eh bien, Cyril, c'était à nouveau une conversation passionnante, j'ai trouvé. Merci beaucoup à Cyril Barrette d'être venu à nouveau nous parler de tous ces mécanismes de l'évolution, puis surtout appuyé par des exemples concrets. Je pense que ça nous a pas mal éclairé. Bien, okay. Merci à vous, ça me fait plaisir. Et c'était un sujet délicat parce que cette idée du déterminisme génétique, on a peur un peu de cette idée-là appliquée oui. au comportement humain. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, merci beaucoup Cyril, je rappelle, Cyril Barrette, que vous êtes professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval.